narratif, c'est tout le défi. Thank you. c'est pas le début. Encore sur Magnum. Thank you. fait monter, voilà. Thank you. やるよ。